soleil brûle sur les collines. Je ne suis pas les autres, je ne suis pas tout le monde. Grand et sec, mais rien qu'un corps dans un esprit. Je suis ici pour rester. Et celle qui est ici aujourd'hui, oh, grand et sec, mais rien qu'un corps dans un esprit. Je ne suis qu'un corps dans mon esprit. J'ai l'impression que quelque chose n'est pas droit. Pas de crainte, mais des raisons que je ne peux citer. Ne peut citer. Abattre le soleil qui se noie, ramener le soleil à la vie. Oh. Je ne suis pas tout le monde, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas les autres, pas les autres. Péché mortel, destin mortel, grand et sec. Mais rien que corps dans un esprit. Je suis maladroitement mortel. Pas ici, mais au cours des derniers. Grand et sec. Mais rien qu'un corps dans un esprit, dans mon esprit. Je ne suis rien, je ne suis rien, mais un corps dans mon esprit. J'ai l'impression que quelque chose n'est pas droit. Oh, quelque chose penche. Pas de crainte, mais des raisons que je ne peux citer. Abattre le soleil qui se noie, ramener le soleil à la vie. Je ne suis pas tout le monde, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas les autres. Le soleil brûle sur les collines. Spéculation, viens et obtiens. Tu es tout seul ou ensemble, ce que tu veux. Spéculation, devenir la chouette à minuit. Situation, je suis le voyant, je suis le sorcier. Situation, deviens celui qui te combat. Deviens celui qui te combat. Deviens le hibou. Deviens la chouette à minuit. Deviens le hibou de minuit. Grand et sec. Je suis mortel. À gagner du temps. Avec le soleil trop lumineux. Je ne suis rien. Mais un corps dans mon esprit, je ne suis rien. Un corps dans mon esprit. Abattre le soleil, ramener le soleil. Je ne suis pas tout le monde, je ne suis pas n'importe qui. Abattre le soleil qui se noie, ramener le soleil la vie. Je ne suis pas tout le monde, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas les autres, je ne suis pas les autres, je ne suis pas les autres. Mais là-bas le soleil brûle sur les collines. Là-bas le soleil brûle sur les collines. Burn down the sun. Bow down the sun. Elle le soleil brûle sur les collines.